Notre série La tragédie de juin 1940 est prolongée le vendredi par la rediffusion d'une émission consacrée à un témoin qui a vécu l'époque. Aujourd'hui, la future épouse de Claude Lévi-Strauss. Monique Lévi-Strauss, le témoin de ce vendredi, dans le piège de l'Allemagne, 1939-1945. De puissantes formations de bombardiers anglo-américains venant de différentes directions et semblant se diriger vers Berlin sont signalées. De nouveaux bombardiers sont descendus. Là, un autre s'abat en flammes. C'est grâce à sa maîtrise de l'allemand que Monique Lévi-Strauss a pu travailler aux côtés de Claude Lévi-Strauss, avec qui elle a vécu dès 1951. Mais d'où vient cette parfaite connaissance de l'allemand ? Dans sa famille, on a le passeport belge et l'américain. Ses parents sont plutôt du genre passe-frontière. Son premier séjour linguistique en Allemagne date de 1938. Comment son père a-t-il pu la laisser partir, elle, enfant seule, à l'heure de la crise germano-tchèque? Et comment, en mars 1939, accepte-t-il un poste d'ingénieur dans le Troisième Reich, y emmenant cette fois sa femme, juive, et ses enfants? Il n'est pas nazi, il se rassure en pensant que tous les Allemands ne sont pas nazis et qu'une nouvelle guerre est impossible, il croit que sa nationalité le protégera. Mai 40 le détrompera, qui verra l'invasion de son pays et son incarcération. La petite tribu restera coincée en Allemagne 5 ans, dans des conditions de plus en plus aléatoires. Le temps pour Monique de perdre en effet tout accent et aussi de vieillir très vite sous les bombardements des Alliés dont elle attend la victoire. À 12 ans, dès le début, elle avait senti que cette équipée était dangereuse et absurde. Il arrive que les générations montantes soient les plus intelligentes ou les plus attentives. C'est parce que les jeunes d'aujourd'hui sont davantage disponibles à l'écoute que Monique Lévi-Strauss commence à parler de cette histoire qui dépasse l'entendement. La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. Avec Monique Lévi-Strauss, qu'on connaissait comme... Bonjour Monique Lévi-Strauss. Bonjour. La spécialiste la plus éminente de l'histoire des cachemires et des châles dans la mode parisienne et qui n'avait pas beaucoup témoigné, c'est le mot qu'il faut utiliser, de cette période. Parce que le livre que vous publiez aux éditions du Seuil, Dans la gueule du loup, c'est pas écrit pendant la guerre. Ce n'est pas écrit non plus au lendemain de la guerre. C'est dans les années 1990 que vous sentez le déclic possible. Oui, c'est parce que j'ai commencé à être grand-mère et que je me suis dit, un jour ces enfants seront grands, ils seront même mûrs, et puis ils auront une curiosité, ils voudront savoir ce que faisaient leurs parents, leurs grands-parents, et je ne serai plus là pour leur répondre. Alors j'ai pensé que mon expérience en Allemagne était tellement singulière que ça, il fallait que je la consigne et que je leur laisse un récit qui leur permette de comprendre comment une pareille chose avait été possible. Alors, votre père est belge, votre mère est américaine, ils font connaissance aux États-Unis. Leur voyage de noces s'est déroulé en Chine, vous avez été conçue à Shanghai. Mais enfin, ça, c'est des choses aussi qu'on ne comprend pas, faut pas les dire. Ben non, parce que chaque fois qu'on m'a demandé si j'avais été en Chine et qu'en riant j'ai répondu un peu, puisque j'ai été consul à Shanghai, on me répondait « vous avez été consul à Shanghai ». Donc j'ai arrêté de donner cette réponse, je me suis dit « c'est une bonne blague, mais personne ne la comprend, c'est donc une mauvaise blague ». Alors votre mère est de famille cosmopolite ? Oui. Puisque son père était viennois et que dans cette société viennoise de la fin du 19e siècle, tout autour de Freud, on était extrêmement cosmopolite. Oui, la psychanalyse est là toujours frôlant de son aile beaucoup de vos personnages et vous-même d'ailleurs. Oui. Monique Lévi-Strauss, on peut dire que c'est chez Jacques Lacan que vous avez connu Claude Lévi-Strauss. Oui, c'est chez Jacques Lacan. Mais en fait, ma proximité à la psychanalyse date de beaucoup plus loin, puisque c'est le frère de mon grand-père, le docteur Oscar Rie, qui était un grand ami de Freud, qui soignait d'ailleurs toute la famille de Freud, et qui parfois a même fait des travaux sur les maladies infantiles avec Freud. Mais alors, du côté de votre père, c'est autre chose. C'est un autodidacte. Il vous assure, dans les années 30, une belle vie, l'appartement de Passy, où vous vivez encore. Oui. Un château du côté de Bourges. Enfin, c'est un monsieur, le monde lui était ouvert. C'est un autodidacte qui, un peu grâce à la guerre, car il avait fait la guerre dans les tranchées entre 16 et 20 ans, qu'il a pu faire des études. Et ces études, il les a très bien réussies. Il est sorti ingénieur d'une bonne école de Bruxelles. Il a même eu une bourse pour l'université Harvard en Nouvelle-Angleterre. Ensuite, il a eu plusieurs postes très intéressants. Il gagnait bien sa vie. Et alors, il ne pense pas qu'une guerre soit possible avec l'Allemagne. Il ne pense pas que tous les Allemands sont nazis. Il ne pense pas, parce que c'est un ancien combattant, que le conflit soit concevable. Pour lui, c'était impossible que 20 ans après l'armistice de 1918, une nouvelle guerre se produise. Parce qu'il me disait, ce sont les mêmes hommes qui prendraient la décision. Or, ces hommes ont connu les tranchées, ils ont connu la boucherie. C'est impossible que ces hommes-là, qui sont à la tête de nos pays, redéclenchent une guerre. Et quand votre père veut emmener la mère et les enfants, mars 39, en Allemagne, définitivement, pour obéir au contrat que vous décrivez, votre mère, elle l'a pas retenue par les Basques ? Ma mère a fait tout ce qu'elle a pu. Mais à l'époque, une femme était tout à fait soumise à son mari. Et elle a été obligée de le suivre. Alors, il est vrai qu'au moment du déclenchement de la guerre, septembre 39 jusqu'en décembre, il permet aux enfants et à son épouse de retrouver Bruxelles. Mais en décembre 39, jugeant peut-être que la drôle de guerre n'aurait pas d'aboutissement, allez, de nouveau, le départ, l'installation à Düsseldorf, et en mai... Ici, Radio Journal de France, Monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vous parle. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent seules dans le nord contre l'ennemi. L'armée belge vient brusquement de capituler sans condition en rase campagne, sur l'ordre de son roi, sans prévenir ses camarades de combat français et anglais, ouvrant la route de Dunkerque aux divisions allemandes. Il y a 18 jours, le même roi, qui jusque-là avait affecté d'attacher la même valeur à la parole de l'Allemagne et à celle des alliés, avait crié au secours. À cet appel, nous avions répondu, or voici qu'en pleine bataille, sans un regard, sans un mot pour les soldats français et anglais qui, à son appel angoissé, étaient venus au secours de son pays, le roi Léopold III de Belgique a mis bas les armes. L'ambiguïté dans laquelle va s'enfermer Léopold n'empêche pas votre père, en Allemagne, d'être incarcéré comme sujet belge. Voilà tous ces espoirs qui tombent. Il était suspect parce qu'il travaillait dans la Ruhr et que... dans une aciérie, et que dans les aciéries, forcément, on était appelé aussi à faire des munitions et peut-être même des armes. Je ne sais pas exactement, mais on faisait beaucoup de choses avec l'acier qui avait trait à la défense dans la guerre. Donc, mon père était suspect parce qu'il il était dans cette aciérie. Il va être libéré au bout de quelques mois, vous retrouvez, mais il est rétrogradé, il n'a plus un poste aussi important, le salaire est médiocre, et vous êtes dans une condition extrêmement aléatoire, on n'a plus de papiers belges ni américains. Non, on nous avait retiré nos papiers, on nous avait donné des Ausweise, c'était des feuilles de papier tapées à la machine, qui disaient simplement qu'on était des étrangers et que... on habitait tel endroit et nous étions d'ailleurs assignés à résidence. Votre père considérait que tous les Allemands n'étaient pas nazis. Sur ce point, il avait raison, vos professeurs. Mais bien sûr, tous les Allemands n'étaient pas nazis. Loin de là, c'était, une petite minorité des Allemands qui étaient des nazis actifs. Et le reste, c'était des gens qui simplement fermaient leur bouche parce que c'était trop dangereux de l'ouvrir, c'est tout. On n'arrivera pas à vous faire dire les boches, par exemple, Monique Lévi-Strauss, c'est une expression que... Je n'ai pas envie de dire les boches pour la simple raison que, pendant toute la guerre, j'ai entendu la propagande allemande. Et pendant que j'écoutais cette propagande, je me disais, c'est affreux, c'est du bourrage de crâne, ça ne rime à rien dans la réalité, et jamais je ne voudrais m'adonner à ce genre de... enfin, d'expression. Donc, quand la guerre a cessé, je m'étais juré que jamais je n'emploierais des mots pareils. Je vais vous faire entendre une adaptation du journal de Klemperer. Victor Klemperer, c'est un auteur que vous avez lu beaucoup. Il était juif à Dresde, il vivait de plus en plus resserré, il a échappé à la mort par miracle, et il attendait que les vrais Allemands reviennent, disait-il. Et il écrivait pour tenir à distance la langue allemande nazie, avec les mots nouveaux qui s'insinuaient comme un poison. Dispersés dans les pages de mon journal se trouvent de nombreuses notes sur la langue que parlaient les nazis, à laquelle, à la fois par jeu et par peur de la Gestapo, j'ai donné un joli nom savant, LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Empire, du Troisième Reich. Cette nouvelle langue, adoptée par tout le monde de façon mécanique et inconsciente, comme un poison qu'on avale à petite dose sans y prendre garde, fut pendant ces années de misère mon unique sujet d'étude. Dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit. Dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auf Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. Le mot Volk, peuple, est employé aussi souvent que le sel à table. Aujourd'hui, anniversaire d'Adolf le Führer. Volksfeiertag, jour de fête populaire. Volksfest, fête du peuple. Volksgemeinschaft, communauté du peuple. Volksfremd, étranger au peuple. Artfremd, étranger à l'espèce, juif. Une adaptation de Stan Neumann du journal de Klemperer. En 41, on va confisquer à Klemperer sa machine à écrire. Il est, dit-il, comme Ulysse face à Polyphème. Il attend. Oui. Vous aussi ? Ben oui, et ça a été vraiment long. Horriblement long. Et alors, pour tromper l'attente, tout ce qu'on faisait, c'était regarder des cartes. Et ma mère écoutait tous les matins à 6 heures la BBC parce que ça passait mieux à cette heure-là. Et donc, on pouvait suivre la ligne du front. Et c'est à partir de 42, de l'automne 42, les Allemands ont reculé. Et puis, il y a eu Stalingrad qui a été le moment où on a vraiment compris que les Russes étaient des héros. Donc, on a beaucoup, beaucoup espéré de l'armée russe. Vous dites dans votre livre « Une enfance dans la gueule du loup », on ne mesure pas assez qu'à partir d'un certain moment, beaucoup d'Allemands ont cessé de croire en la victoire. Oui. Après Stalingrad, il y a eu tellement d'annonces de décès que la population s'est rendue compte que l'armée était décimée à l'Est. Et donc, notre espoir à nous, c'était que les Américains et les Anglais allaient enfin débarquer à l'Ouest, puisque toute l'armée allemande était attachée, comme par une ventouse, au front de l'Est. Et puis, le succès qui venait pour les Alliés se mesurait au nombre des bombardements. Vous êtes passé une fois par Berlin, qui n'était plus que ruine. Jamais je n'ai vu autant de ruines. Ici, c'est Marlène Dietrich. On est un petit peu après la guerre. Elle est une chanteuse ambiguë, qui a sans doute été nazie, Erika, dans le film La Scandaleuse de Berlin, de Billy Wilder. Trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night you feel in all your sorrow a perfume as of a sweet tomorrow. That's when you realize at last they won't return, the phantoms of the past. A brand new spring is to begin out of the ruins of when you realize that of the past. A brand new spring is to begin. Out of the ruins of Berlin. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Dans les ruines de Berlin, les hommes en pleurs parfument ton chemin. Monique Lévi-Strauss, une enfance et une adolescence en Allemagne dans la gueule du loup entre 39 et 45. Monique Lévi-Strauss qui, comme Marlène, parle anglais, allemand de mieux en mieux, parfaitement, oui. Qui reviendra en France à la Libération, mais on n'en est pas là. Vous avez fait une carte dans votre livre. C'est souvent le long du Rhin que vous allez d'un point à l'autre. Absolument. À notre arrivée en 1939, mon père avait choisi de nous faire habiter à Wesel, qui est une très jolie ville au nord de la Ruhr, sur la rive droite du Rhin. Ensuite, nous avons habité Düsseldorf, de nouveau sur la rive droite du Rhin. Après, il y a eu Bonn. Alors ça, c'était rive gauche. Et là, vous étiez chez un Herr professeur? Oui. Qui continuait à vivre comme si la guerre n'existait pas, ou cherchait à continuer à vivre comme si la guerre n'existait pas. Il enseignait, et il habitait l'Institut de physiologie, puisqu'il en était le patron. Düsseldorf, Bonn, vous avez connu les bombardements. Je vous propose d'écouter le témoignage de Wolf Biermann, le grand chanteur qui, après avoir été une illustration de la RDA, est passé en RFA. Son expérience est un peu comparable à la vôtre. Son père était mort à Auschwitz et sa mère essayait de lui expliquer le sens difficile à comprendre pour un enfant des bombardements dont il était quotidiennement la victime. Deswegen bin ich auch unter uns gesagt genau 6,5 Jahre alt immer geblieben. In diesem Alter in dem großen Feuer war, wo 40.000 Menschen in einer Nacht verbrannt sind. Ich habe alles vergessen vor diesem Bombardement und alles vergessen danach. Aber diese Bombennacht weiß ich so, als hätte ich sie eben gerade erlebt. Ich habe absolut nichts vergessen. Wie man auf Deutsch sagt, es ist eingebrannt in mein Gedächtnis. Ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. Voltaire dit. Meine Mutter hat mich auf den Rücken genommen, ist mit mir durch den Kanal, durchs Wasser, raus aus dem Feuer. Und für meine Mutter war das nicht nur ein Kampf um ihr Kind. Es war ein Kampf gegen Herrn Hitler persönlich. Ich sollte am Leben bleiben. Nein. Wie sie pathetisch sagte, ich sollte meinen Vater rächen. Sie wusste nicht, was das konkret sein kann. Aber mein Vater war gerade ein halbes Jahr vorher auch verbrannt, Auschwitz. Und jetzt saßen wir in diesem großen Feuerofen. Und für euch Franzosen ist es vielleicht interessant, dass meine Mutter mitten in der Nazi-Zeit, 1943, mir schon erklärt hat, mit sechs Jahre war ich alt, die Bombenflugzeuge da im Himmel, das sind unsere Freunde. Sie sagt, das sind unsere Freunde, das sind gute Menschen. En montrant le ciel, la mère disait, ce sont des gens bien, ce sont nos amis qui te bombardent. Oui, ce que je viens d'entendre là me touche beaucoup parce que ces souvenirs de bombardement sont encore aussi vifs dans ma mémoire que si c'était arrivé hier, alors que pour beaucoup d'événements j'oublie tout. Ces souvenirs-là sont restés vraiment aussi colorés qu'ils l'étaient le lendemain. Quand je dis coloré, c'est parce qu'une ville en flammes, c'est la couleur qui frappe, c'est tout rouge une ville en flammes. Il y avait des chefs d'îlot, des équipes qui vous obligeaient à prendre des seaux et à éteindre l'incendie? Ah non, c'était mon initiative personnelle, ça. Enfin, nous étions juste 4 ou 5 personnes dans la maison quand des bombes incendiaires, c'est-à-dire au napalm, sont tombées dans le grenier. Il fallait absolument éteindre le feu, sinon toute la maison allait prendre feu. Et ça, c'était à la fin de l'année 1944, à Bonn. Et donc, nous avons décidé d'un commun accord de monter des seaux d'eau. Mais il n'y avait pas de chef d'équipe, il n'y avait rien. Et nous avons monté des seaux d'eau, mais c'était très difficile parce que naturellement, il n'y avait plus d'eau courante. Il fallait pomper l'eau dans un puits et comme il faisait froid, il y avait une couche de glace sur l'eau du puits et il fallait d'abord faire bouillir de l'eau dans la cuisine pour faire fondre la glace et arriver à repomper de l'eau. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et au bout d'un moment, je me suis sentie proche de l'évanouissement et j'ai pensé, c'est pas la peine que je continue parce que je vais leur donner du tracas. Il faut que j'arrête de monter les escaliers avec des seaux. Je suis sortie dans la rue et là, il y avait un détachement de soldats qui passaient avec des pelle et des pioches sur l'épaule. Et j'ai été voir celui qui commandait, c'était un détachement peut-être d'une douzaine d'hommes, j'ai été voir celui qui les commandait, et je lui ai dit, l'institut est en flammes, est-ce que vous pouvez venir aider pour éteindre? Et il m'a dit, certainement, c'est pour ça que nous sommes là. Ils ont fait la chaîne dans l'escalier, ils ont réussi à éteindre le feu du grenier. Mais les journées elles-mêmes, sans les incendies et sans les bombardements, étaient terribles, vous les décrivez. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de nourriture. Et il faut aller avec une charrette chercher du ravitaillement. Oui, par exemple, mon frère et moi, nous partions avec une charrette et nous ramassions des pommes tombées que d'autres n'avaient pas ramassées ou des pommes de terre qui étaient restées parfois. Enfin, n'importe quoi, comme des animaux vont dans la forêt, essayent de trouver à manger. C'est exactement ça. Et on trouvait toujours quelque chose. Les actualités collaborationnistes pendant ce temps à Paris, vous voyez ceci sur les écrans. Vous avez manqué ces épisodes, Monique Lévi-Strauss. Réveil dans un centre d'accueil en Allemagne. Ces enfants, venus de villes menacées par les bombardements aériens, ont été placés ici à la demande de leurs parents. L'enseignement scolaire se poursuit. Une large place est réservée aux travaux manuels. On prend son exil joyeusement en attendant des jours meilleurs qui permettront aux enfants de retrouver leur famille. Les études se sont poursuivies, vous avez passé le bac, l'abitur, les garçons de votre classe, ils étaient déjà appelés sous les armes, vous commencez des études de médecine, vous avez vu, pendant vos études de médecine, à Weimar, où vous aviez une tâche d'été à remplir, l'accueil des blessés de Buchenwald, des bombardés de Buchenwald. Oui, c'était à la fin août, juste au moment où Paris était libéré. Un matin, il y a eu un fort bombardement et après ce bombardement, des camions sont arrivés sur la grande place de Weimar où se trouvait l'hôpital. Et on a déchargé de ce camion des corps qui étaient en loques, enfin très rouges de sang. On ne savait pas du tout qui c'était. Et très vite, on m'a appelé en salle d'opération. C'était les chirurgiens baltes qui avait besoin de moi parce que les blessés qu'on apportait ne savaient pas un mot d'allemand et ils ne parlaient que le français. Et c'est là où j'ai compris que c'était des prisonniers du camp de Buchenwald qui avaient été touchés dans un bombardement d'une carrière où ils travaillaient pendant la journée. Et le lendemain, ce sont les gardiens SS de Buchenwald qu'il faut peut-être soigner. Oui, alors vers le milieu de la journée, des ordres sont venus qu'il fallait sortir tous les prisonniers et les remettre sur le gazon de la place parce qu'il fallait réserver les soins aux gardiens SS. Et donc j'ai été appelée à un moment donné à donner à manger à un SS qu'on venait d'amputer de ses mains. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Oui, alors à ce moment-là, je me suis dit que quand on avait des principes, il fallait suivre ces principes coûte que coûte et qu'il n'y avait pas à faire d'exception et qu'un nazi qui n'avait plus de main, on me demandait de le nourrir, je le nourrirais. Donc je l'ai nourri. Mais je peux vous dire que ça me faisait mal. La libération vient par les Américains. et vous vous apercevez tout de suite qu'un passeport américain, parce que vous allez en récupérer un, votre mère, votre frère, vous, oui, ça pèse lourd. Oui, enfin j'ai été émerveillée par l'efficacité de l'administration américaine. Nous avons été libérés par des officiers américains qui avaient entendu dire qu'il y avait une américaine. Or, ces jeunes garçons n'avaient pas vu une femme parlant anglais depuis des mois, puisqu'ils étaient dans les Ardennes pendant tout cet hiver, et ça c'était au printemps 45. Et donc l'idée qu'il y avait une américaine quelque part leur semblait merveilleux. Ils sont arrivés chez nous et ils ont vu que ma mère était vraiment américaine. Ma mère leur a dit « je n'ai plus aucun papier ». Et ils ont dit « mais ça n'a aucune importance, on va régler ça au quartier général de Francfort. Donnez-nous exactement toutes les indications, votre date de naissance, où vous avez étudié, le nom de vos parents, etc. » Alors ils ont inscrit ces détails et 8 jours après, ils sont revenus et donc on donnait à maman un papier qui valait un passeport. Près d'une année à Paris, ensuite, un bon moment aux États-Unis. C'est difficile aussi bien aux États-Unis qu'en France de raconter ce que vous avez vécu. Les questions sont mal posées. C'était même pire aux États-Unis. Et ils ne savaient même pas qu'il y avait eu des bombardements. En France, on savait qu'il y avait eu des bombardements, mais on ne s'imaginait pas comment c'était. Mais aux États-Unis, ils n'avaient jamais entendu parler. C'est fou. J'ai beaucoup souffert aux États-Unis de l'incompréhension des jeunes à mon égard. Mais alors, les jeunes, maintenant, vous entendent d'une oreille beaucoup plus attentive. Vos 2 petits-enfants à qui est dédié le livre « Une enfance dans la gueule du loup » aux éditions du Seuil, c'est Thomas et Julie ? Oui. Et alors, ils vous diraient, Thomas et Julie, tu nous emmènes visiter les lieux où tu étais en Allemagne pendant la guerre. Qu'est-ce que vous leur répondriez ? Est-ce qu'on revisite ? Alors, je leur dirais qu'on peut le faire, mais que c'est ingrat. Tout a tellement changé en 70 ans, c'est... Je viens moi-même de repasser par les lieux où j'ai vécu à Düsseldorf et je dois dire que je ne me sentais pas heureuse. Enfin, tout a énormément changé. Le tourisme mémoriel, non. Non, je ne suis pas pour. Le témoignage, oui. C'est le récit qui est important. On n'a pas besoin de visualiser tout ça. Et de toute façon, ça ne ressemble pas à ce que c'était. Merci à vous, Monique Lévi-Strauss. Votre livre aux éditions du Seuil. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco, Zachary Boubli, Franck Olivard, Frédéric Martin, la réalisation Jacques Sigal et à la technique Anthony Thomasson. Quelques instants, une nouvelle diffusion d'Affaires sensibles de Fabrice Drouel.